je te voici l'heure du chaos. Pour beaucoup, le dernier, le jeu à vie de la jetée de sang. Des corps sont en choc, armes et d'endement. Et tout le charognard là haut dans le ciel. Se réjouit déjà de la tuer prochaine. Les douleurs ravées, par la main figée, les masques endeuillés, disréalité. Balayé par le vent, les cadavres se traînent pour unique linceul. La couleur de la mort, le silence qui pèse, quelques cris qui s'élèvent, des fantômes rescapés vont ramasser les corps. Le calme est revenu, les gémissements se taisent, les prières se sanctuent.